nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour hin à Brezhoneg. Alors on va pas changer, on commence encore par Gary Warvué, l'émission 402, Perhandow. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, un mot qu'on entend assez souvent maintenant dans le breton contemporain, qu'on n'entendait pas souvent autrefois. Enfin, moi, je ne l'ai jamais entendu quand j'étais plus jeune, mais maintenant, c'est assez répandu. Et pourtant, c'est un ancien mot hein, qui a été remis au goût du jour, qui est un mot masculin, heur prof, prof comme un prof hein, en français, mais ça n'a rien à voir avec un enseignant. Heur prof, donc le cadeau. Le cadeau, le présent, le don, l'offrande. Hein. Voilà, donc c'est un mot masculin et qui a un pluriel régulier, profou. C'est un mot qui existe également en cornique. Alors c'est un mot qui est assez curieux, il est issu de l'ancien français, pro-offre, qui désigne justement une offre. Hein. Il y avait un verbe qui était pro-offrir, hein, qui a disparu, qui est donc présenter et offrir. Alors, en breton, donc, on a aussi un verbe hein, qui est profond. Profond qui veut dire faire un cadeau, offrir. Hein, voilà. Et donc, la base verbale de ce verbe, c'est prof. Hein, prof. Et le participe passé, profed. Hein, voilà. Alors, c'est un verbe qui existe également en cornique. Hein, voilà. Alors, il y a des dérivés, par exemple, profour. Profour, c'est le donateur, le mécène, hein. Le sponsor, on dit aujourd'hui. Voilà, mécène, je préfère, c'est plus joli. Voilà, puis ça renvoie à un personnage de l'Antiquité, c'est joli, un mécène. Alors, profour, donc, profourien, hein, les donateurs. Et alors, comme c'est un nom de personne dont le pluriel n'est pas en nous, il y a une mutation après l'article au pluriel, et on dit... Alors, brofourienne, voilà. Alors, on a beaucoup d'expressions par rapport à ça. Par exemple, dans Jules Gros, j'ai trouvé « Péher de ne rejoue vers être profond ». Quand on va à un mariage, il faut faire un cadeau. C'est un contrat, en fait. Hein, voilà, on fait un cadeau. Maintenant, on fait une liste de mariage, parce que les mariés ont déjà tout ce qu'il faut, donc... Autrefois, il fallait constituer le ménage. Quoi. Il fallait monter le ménage, oui. Mmh. Voilà. Alors, on offrait un moulin à café ou des choses comme ça. Alors, Villine Gaffé. Aujourd'hui, les mariés, en général, ont déjà tout ce qu'il faut. Alors, il faut se creuser l'imagination. Et voilà. En plus, on ne se sert plus de moulin à café. Non, le café est déjà moulu, quoi. Voilà. Alors... Le mot cadeau en français, c'est un mot qui vient de l'occitan, hein, capdel, hein, donc qui est passé dans le français, quoi. Alors de temps en temps, on le bretonise aussi cadeau, hein, bon, ça se dit aussi, quoi. Mais prof, c'est quand même mieux. Alors je disais que bon, quand j'étais jeune, on ne disait pas beaucoup ça. On se contente, bon, sans doute parce qu'il n'y avait pas souvent des cadeaux non plus, quoi. Le cadeau, c'était quelque chose d'assez rare. Hein. On se contentait du verbe règne, hein, donc donner, hein, dont la base verbale est ro, hein, et le participe passé roed. Hein. Je me souviens, Christian Durot, dans un disque des années de 1958, je crois, disait « Abrément zo prenet in gammant mo bicyclette, hag hant banin gammant tout juste ma vengwelet. » Alors, il disait « prenet ». Hein, c'est-à-dire que il voyait ça sous l'autre angle, c'était l'achat, quoi. On achetait pour donner, quoi. Voilà. Alors il y a aussi des dérivés de ce verbe donner. Hein. Par exemple, on dira roer. Roer, c'est le donneur. Hein. Voilà. Également roadur, hein, c'est une donation. Roaden, c'est un don. Roaden, hein, un don. Voilà. Et alors, il y a aussi un néologisme qui est roidiges, qui est une distribution. Hein. Roidiges. Hein. Donc, alors il y a aussi un verbe dont on avait déjà parlé, hein, qui est kinik, mais qui a un sens un petit peu différent, hein, qui est plutôt proposé, hein, qui est à la, mais qui peut être utilisé pour offrir aussi, quoi. Voilà. Par exemple, Hiniglabur, une offre d'emploi. Là, c'est vraiment une offre, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'avec ça, on recevra pas mal de cadeaux. Ça va être bientôt le moment. Très bien, Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Henri, on passe à la seconde partie, c'est Brezhoneg temps matin. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolec, comme d'habitude, Chanik va à Zantolec. Oui, voilà. Elle était allée voir Iwan, oui. Oui, Iwan Danteg, hein, qui est... Ben, le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein homme, en Himon. En me homme, banata yorgiste. En me mentou d'or binviu de burgiste. Dré en man et te en avalo d'un ataïa. Ya, don dera en avalo en me gan en dour, gual raden yam, a kasset d'ar vilin, a zi ve draye d'un arlo, a gan avalo marlet, ve la ke d'an man balouer yo dir, pa pember. A kasset d'ar pressour goudé. Juste mat, a zi mort pressour. N'est ke d'ar pressour mot cause. Non, o pressour dipa ouze. Zelet, en avalo ya barz dré on tu, a gaya mezre en tuel, a gaur chuk zeu ur mezre et din dan. Ma de da evan? Ya, de te dan va ma peswant, Chanik. Et Chanik, elle y va, parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Ouais, ouais, donc ouais. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase, donc ce dialogue, pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plairon Braman, Iwan. Ouais, où sommes-nous ici, hein? Plairon Braman. Alors c'est un monde, hein, mais nous on coupe un peu. Hein. Plairon Braman, Iwan. Où sommes-nous ici, Iwan? Hommes omba nataya schiste. Ya. Schiste. Hommes omba nataya schiste. Nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. Hommes moment tout d'or binviu de burgiste. Ya. Hommes moment tout d'or binviu de burgiste. Hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre d'aubergiste. Alors, Chanik demande dréhamment et te en avalo ba nataya. Voilà. Alors, elle demande dréhamment. Par ici, te en avalo, viennent les pommes, hein, banatailleur dans l'atelier. Parce qu'il y a un petit fossé là par où, une rigole, hein, par où vont venir les pommes. Hein. Elles sont portées par l'eau, en fait. Il y a donnera en avalo en mangan en dour. Il y a donnera en avalo en dour, hein. Les pommes viennent ici, Gandendour, porté par l'eau, avec l'eau. Gualretin, en man, à Kasset d'Arvili. Voilà, elles sont lavées, hein, Gualret, elles sont lavées ici, à Kasset d'Arvili, et emmenées au moulin. Arvilin, le moulin. Hein. Aze vidrayet en avalo. Voilà, et là, les pommes sont hachées, hein, drayet, hein, hachées, broyées, quoi. Agon avalo, malet, ve laket en man. Voilà. Balonerio, voilà. Luerio, dire. Yeah. Alors, un aval ou marlet, hein, donc les pommes hachées, broyées, hein, vela que dans mon, on les met ici. Baluer yudir. Alors, luer, c'est une auge au départ, hein, luer, hein, et donc c'est en pierre au départ, mais pour des récipients, des cuves en fait en acier, on va dire luer yudir. Hein. D'accord. Pas de pème. Pendant 5 heures, hein, donc pour bien macérer, pour que les tanins puissent passer dans le jus après. À Kasset d'Arpressour, goudé, demande Chani. Voilà, et emmené au pressoir après. À Jusmad, à Zemo Arpressour. Voilà, Jusmad, ouais, exactement. À Zemo Arpressour, ici est le pressoir. Neke d'Arpressour, mot de cause. Ah non, Neke d'Arpressour, mot de cause. C'est pas un pressoir à l'ancienne, hein, c'est-à-dire la vis verticale avec le mot, là. Hein. Non, c'est pas un comme ça. Ah non, un pressoir diboué. Dibose. Alors c'est un pressoir continu, dibose. C'est-à-dire ça tourne tout le temps. Il va expliquer d'ailleurs. Zélite, en avalo aya barze dre tu, aya hermès dre ntual. Voilà, en avalo aya barze dre ntu, les pommes rentrent dedans par un côté et sortent par l'autre bout. Aga hermès dre ntual, et sortent par l'autre côté. Aga chut, a ze hermès dre dindan. Voilà. Et le jus sort par en dessous. Hein. Madeda Evan, demande Chani. Madeda Evan, hein, il est bon à boire. Bah oui, ah. Là c'est le mou en fait, hein, qu'on appelle le mou, hein, donc du cidre qui n'est pas fermenté du tout, hein, qui a une couleur un peu brune là, et qui est très laxatif. C'est très bon, mais c'est très laxatif. Il y a, dis-moi, dedans va un peu soin, Chani. Il y a dedans va, hein, venez goûter, hein, si vous voulez, Chani, Macaret. Voilà. Et voilà, et ils vont goûter le cidre. Enfin, c'est pas encore du cidre, hein, c'est du cidre, c'est du mou, quoi, qui va ensuite fermenter pour donner le cidre. Alors c'est très bon, mais faut pas en abuser parce que c'est une tendance laxative. Troisième partie d'émission, Petra Zone Vervro, Eri. Petra Zone Vervro, Calzedrao et Veljus, Buerdej, Divusan. Krogum de Dianton, Velcustum, Gandela Bourdouar, Agarvu et War Armeez. Warela Bourdouar, Jusma, des eaux Calzedrao de l'art, mais ne la rinque Calzedra. Pudior et Lu et Madentro. Calzereuse, Zoer, Marimon, hein, Guelepus, Gander Stal Gad, Gander Stal Tili Sapko, Zoadar et Narva. a bonne case heureuse au bide quand ne cotax, hein, comme je vois de si, vigel déjà, un tax, soit indigine, quand un aime vaut de bras, ou bide grenelle un endro, ag, on a fait lui très, et puis dur, bénéfine, un écotax, au bide vote grand tout de politicour, un bénéfine, de un dogdu, hein, de un tu rue, de un tu gwen, ag bénéfine, vraiment, ne veut que cave donnant, ag zo du chin quand un écotax. Bénéfine, et lui, et noir, un trop grand si, bon, sais-tu, asé pépon, ne s'y jonge, hein, non que t'es l'armand du oisi, mimeuse me jonge, mais, n'est carrétine, l'arcé hudu. Bon, wardache, une économie, soit, bon, goudoré de case, case d'une, n'est que contente de zo goprou, un peu de zo, néran, vers où était bopet, ag mesquerise, zo, royer, y a une meldrote, pis football, ma peçon, Dreistol, ré, un muant d'erran, réseau, un tuel, d'or million de blancs, rien, n'est que content de zo goprou, à zo casse, roulant que paye ou un taille au bop, warzé, quoi. Ag, bon, potier stud, ur bob, n'est que vi comprenne, hein, pétorazé au million de roi, ou med, i bop, bon prenamant, puis dur, n'est que content de roi. Mais, rédé l'ard, un dutson, un mode de vivant, un éc de, mode de vivant, un dudeur, ou un armes, pis, ou un dudeur, bop, le bop, là. Résineuse maîtresse d'avérer prénom, au bien diamanche, ou des, à trois bon, sais-tu, bon, cléven besoin, jonge d'or, hars l'arbre, ma fille ne mise du, à dis, bon, pardon, mar, et non que de match bétine, j'ai eu spontus, ma maître. Mais bon, dis ce mon compte, hein. Tiers de comprendre. Bon, un DL, ou un bizou et war, ouais, grand andrael, babro Allemagne à babro France, un dovro, hein, bro Allemagne à bro France, un so très zouet bar mode, blamour, vechilowet grand, grand, un américain de war en internet, tout pèse fait, l'art, tout pèse, drame noir internet, ag zo gervis vidorzi, NSA, ag sais-tu bon, bro Allemagne, bro France, pe no bras, bop l'art, in zouet ganzé, gouscoud et n'est que gual zouet, juste plus dur, mi me jonge, Bill Clinton, déjà, pe oua président de l'art, oua vetzav d'internet, et viré muor galou de bro Amérique. Ah ben, si n'est que rebouzouz et tant me bête, hein, ouarzé. Plusieurs zézovides, bon ou abide, hygiène des vies cresques qui galouent d'un américain de bénéfine. Bon, ne jongeant que de change au cas d'un trop, warzé. Wardash est une économie, ouaz, comme je fais vraiment au cas de barmar et mon de un TGV. L'art ou abide te fait un TGV, ben, bla, d'auville très grande, vraiment, velard, vos presses, ben, bla, d'auville seit, que bon, ou en que pis un mot de vos comptes bénéfines. Mais de gwellet vo, de ce que me a gort as bope d'ag, pi vo gwellet tram, vo gwellet, hein. Bon. Ne gomzin ketar, kaz de ze nemgleve vo tre ur stad brohal a breiz, war dach en un economie, ze pakt a vo gret, de nemgleve, ma peswan. Bon, ka ar o ret gort as on tom, e vi gwellet d'un trou es kleror. War dach en, ze vinadur, et veulent juste au cas de drogue de la rate. Tram de mode est vraiment, gwell, un très grand vlavider cabé, ag, bon, cas de dude sobide, hein, tram de mode est un trop, cas de dude ouah, bah, fesse d'once, bah, fesse d'y a bah, fesse d'once, cas de dude ouah, videur pissoir, pissoir et ouah, comédie, un mille lusieux, hein, zo trop de d'y Shakespeare, ag, bon, ou a plus juste de, ou a voyait gant, strolat kalag, ou a plus juste de veld. Ag, ben, disquezade, xo be calze dude, ag, ba kalag, hein, ou a, ba cinéma kalag, ou a calze dude, roise, bon, sais-tu, tram de mode, et un trou. Or, gwelel, xo be roise, bas en igoun, on me fait gwelio der mode, mais les films, puis fait l'air mode, puis, presque, il faut, gwel, vide, très grande, vlacan, un hébrel, roise, ag, bon, gwel arrête, ve, gwel yo dermat. Alors, gwel, zo bet, bas an igoun, un roise, evit, ur vod, ur morvan, zo bet, inoret, Jurnen Bidder Medaillen Officurien War Elisiri Ag Narzu Ag Bonar Wakal The Duda Zo Dut Dinorine Ag Bon Ziwa Andravat Bon Andra Tristor Bomen Neveso Yet an Anan Belg Joben Dantek War Hanavemad Bavro Ag bon mimes bedis ke de o nebet gerio brezon de gantan gerio venke din plij et bemde evel just hein plusieurs hez war e o bentro war yezu hein war nek war brezon me war latin ag war agression ne divé grande doa ba bla milno han do war nugen grande doa ba bel pistine Ag gren ne oa istudi ba skol kompostal, bet hag vache lourez. Hag waler e bet kelener pa de pempla a tregont ba kompostal. A waler ba mon bet oa ilev e ba burtulet pa tregont la. Pudur oa aï, on e vla a perugen. Hag mamez vigelard vejo 200 non farsal oa person burtulet. Hag gwelet vi je aliz, hein, hont la overnio un tamm bavro, a tout un dud istim e un denz. Bon, c'est tu vraiment e et de nan an. War dachen ur brezon ok bremañ, vegel moa komz deus pez oa bet ba gamb jacobinet pe gamb deputé en ma paswan Paul Molag oa komz ur brezon ok. Aze e on dra el zo fanege gwalfentus benefin, rezidant rand vro breiz, notre ou massien, neus skrivet de rektor an akademiez, vi goulgant a gen vi jebe moyen de lak de gerstur republik, liberté, égalité, fraternité, vo lak oa tout de skolaj ou bremañ, oa ar liseo, a neus goulm a oa moyen de lak aze in brezhonek. Hag rektor neus lard evel just, vel kiz a custum, ne oa ke moyen de la kezeñ in brezhon eo pudur, oa ur galak yez ur republik. Hag anse, neus ket moyen de skriv o vrankiz in brezhon eo. Vrankiz, hein, o liberté, bon. Neus ket moyen de skriv o ze in brezhon eo. Redo, skriv o in galak hepken. Bon, juzmad, nan le vrankiz, Oa naun ur pezoar zo bet zavet gant strolad ur vro pagan, hag zo bet diskoezet deus ket gwall bel zo ba gwen gant vi gwell digor. Hag bon, zo war e plijus non ket bet, met chonj al rand ma trez an ur vech peneket vel in se. Kal zo bladen ouve en rol d'ur breiz, ur mar emañ a dermad, dermad ve en rol d'ur kal zo bladen ou, evel just ven klevet, hein, war RKB, ma trezen peus klevet da skouer strolad Ronald Barthes neus en rol nevezo ur bladen, zo haunet lamm dour, hag ma trezen peus klevet Michel Toutou zo komp de se, hag o rei melo di de Ronald Barthes. Hag tramet ve vezen amzor war RKB, hag ma trezen peus klevet un ton zo hangret bleuen, hein, bleuen e mer Ronald Barthes, hag skriven eus un ton evitei. Bon, hendel, bon, la remeus vije gret gweli ou derma de breiz, bon, gwel remeus oa be gret oa be d'ur gwel vid ugen la bagad karez, ugen la boe e c'hat gret, hein, pudur benefin bagad karez oa kosan bagad oa breiz, hein, oa be krouet ba fin de brezel, met edoa de gol a bene fin man be had lans d'ugen lasso. Hag bagat panvrin ma mod, met neus gret or gwell vid pempla a tregon. Bagat zo oa be krouet gant Bernard Tepo, an den a oa de houls meskol ba panvrin, an iwa bejonj de zevel or bagat ba panvrin d'or veskon. Hag zikour oa be de gant kalz d'un vel Jean Floc oa mer, mer panvrit, hag bon e belak de bagadze de labourad, hag bon bremañ neus aipempla a tregont. Wardaschen eus evenad ur c'hoaz on den deus brogembre ar ne skrivet o lever, hag Sharif Jemi e Iraun, ne skrivet o lever a zo hanvet la nation invisible. Hag zo kaz eo draou, justement, d'oar breiz gwelet gant on den deus lerel. Hag da feze deus ar bro keltek. Bon, un titre, ya vel meus lar a doa la nation invisible. Bon, vraiment, kaz eo draou zo, o leverel c'hoaz zo bet imban un evezo, hag gomz deus e Yezou, deus istor soki al e Yezou, pas e breiz, e brohal, ben e fin, hag bon, kaz eo draou vekav eo ar ze o ar istor ur Yezou. Ha hez o pez lever an pezur zo spenn nou an paj en barz. Bon, kaz eo draou vefe bet de laren, met bon, bet e vegel o laren c'hoaz. Bon, setu laren tienon d'un tout d'un dut, d'ar e chilo, zo chilo. Kenweja, Léry. Ya, tienon vegel, Anne.